Au sommaire de Ça et du Belge numéro 23, un court-métrage, Caducea de Christophe Mavroudis, multiprimé à travers le monde, et un long-métrage, Pour vivre heureux, de Salima Sarah Glamin et Dimitri Linder, trois fois récompensé au dernier FIF, le prix du public, le prix de la critique et le prix Cinévox. Commençons avec Caducea. Nous sommes dans le genre fantastique. C'est le deuxième court-métrage de Christophe Mavroudis. C'est une très belle réussite. Scénario, interprétation, décor, photographie, tout y est. La preuve en est avec la quarantaine de prix que le film a glané aux quatre coins du monde. L'interprétation est vraiment au top, bien aidée par un excellent scénario. Marie-Jeanne Maldag et Catherine Rossignol, la mère adoptive de Tom, Guillaume Alexandre, déjà dans le précédent cours de Christophe Mavroudis, est Alain. Tom est joué par Vincent Delray, c'est son premier rôle au cinéma. On ne verra jamais son visage. Il livre une magnifique performance. Sans oublier Hélène Coppeyans, qui est Alice, la compagne d'Alain. Les décors, c'est surtout le château de Balmoral à Spa. Il est filmé de superbe manière. Il contribue à l'atmosphère générale. C'est un des personnages du court-métrage. Passons à Pour vivre heureux. Avec leur premier long métrage, le duo Dimitri Linder-Salima Sarah Glamin nous propose un drame familial et amoureux dans la communauté pakistanaise. Machir vient d'une famille pakistanaise très traditionnelle. Il est fou amoureux d'Amel, jeune fille d'origine algérienne et amie de sa sœur. Ses parents n'accepteraient pas cette relation, alors pourquoi leur en parler? Ils vivent pleinement leur amour en secret, mais quand une jeune cousine emménage à quelques encablures de la famille, l'occasion est trop belle. Pourquoi chercher une épouse ailleurs si on peut le faire à travers une union respectant la tradition? J'ai rencontré les deux réalisateurs et je leur ai demandé pourquoi ce film. Écoutons la réponse. Parce qu'on avait envie de parler des jeunes issus de la double culture, parce que, notamment j'ai parlé pour moi et puis elle parlera pour elle, on a animé des ateliers de théâtre ensemble, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, voilà. Et on a beaucoup travaillé, justement, avec des jeunes issus de cultures différentes. Et dans le travail théâtral qu'on faisait avec eux, on se rendait compte qu'il y avait des moments où on ne se comprenait pas, où il y avait des choses difficiles, où on voulait aller quelque part, on sentait des réticences, voilà. Donc on s'est mis, du coup, à beaucoup parler avec eux, à essayer de les comprendre. Et donc, ils nous ont donné des explications, le pourquoi. Et à partir de là, on essayait de trouver des terrains d'entente, et ce qui donnait des résultats super chouettes. Et donc voilà, on a été touchés par ces jeunes, la difficulté qu'ils pouvaient avoir. À la fois, on comprenait aussi qu'on voyait des jeunes qui, au moment où ils repartaient, dans leur famille, on voyait qu'ils se changeaient, qu'ils s'habillaient différemment. Voilà, donc ils avaient vraiment une double vie. Et voilà, c'est ça un peu qui nous fascinait. Et pour Salima. Moi, ça a commencé plus tôt parce que je suis issue de la double culture. Enfin, j'ai une maman qui est algérienne et un père qui est d'origine française. Et ce que je le dis avec le regard d'une adulte qui pose sur l'enfant, c'est qu'en fait, très tôt, j'ai été confrontée au conflit de loyauté. Et du coup, je pense que en fait, ça m'a amené à porter un regard sur ces jeunes assez fasciné. C'est-à-dire, moi, je me sens concernée par ta problématique, même si elle n'est pas tout à fait la même que celle des personnages, puisque eux ont leurs deux parents qui sont de la même... et c'est la société dans laquelle ils sont nés qui a une culture différente. Mais voilà, comment toi tu vis, comment toi tu fais, comment toi tu t'en sors. Donc moi, j'ai toujours été un peu fascinée par ces paradoxes, par cette capacité à switcher, cette sorte de schizophrénie, et qui en même temps est pleine de richesses, on va pas... Ouais. Voilà. Ça n'est pas que difficulté, mais ça il y a des difficultés dans ce genre de situation, et c'est vrai que moi, je trouvais ça magnifique, en fait, de pouvoir les mettre en lumière. C'est un très beau film, d'ailleurs récompensé à Namur, à la fois par le public cinéphile et la critique. Ceux qui s'attendaient à une sorte de Nos deux, le film de Stefan Strecker, en seront pour leurs frais. On est dans tout autre chose. En fait, ce sont deux conceptions du monde qui s'affrontent et l'intrigue rebondit régulièrement dans des situations virant parfois au tragique sans que cela soit fatal. entre tradition et modernité, entre l'amitié trahie ou renforcée, entre lien du sang et de l'amour, qu'est-ce qui gagnera? C'est aussi un casting très réussi, avec des acteurs d'origine pakistanaise, la plupart n'avaient jamais joué au cinéma, et ainsi que Pascal Elbé, qui, en peu de scènes, démontre tout son talent. Pour vivre heureux est un film que je vous conseille vivement. À la prochaine!